l'amertume du désespoir. Je ne suis pas que la défaite, je suis aussi le jour de fête. Ceux qui rejettent nos échecs auront le simple souvenir. J'aimerais tant être cet homme, avoir toujours foi en la vie. J'aimerais tant être cet homme, si tout va de mal en pis. C'est ce que je veux devenir. Je ne veux plus me désunir. Un jour, oh oui, tu verras, je serai cet homme-là. Enfin, il faut souhaiter les choses pour oublier que nous sommes pauvres. Enfin, il faut souhaiter des choses pour oublier que nous sommes pauvres. J'aimerais tant être cet homme, avoir toujours foi en la vie. J'aimerais tant être cet homme, même si tout va de mal en pis. Et si tout va de mal en pis, crois-moi, je serais bien surpris.